quel est ton meilleur souvenir culinaire? Alors, le meilleur culinaire, ben, c'est celui que j'ai fait avec ma mère. Quand la première fois où elle m'a fait nettoyer un poisson, et c'était pour on devait faire une fête, et je l'avais préparé avec elle et puis avec mes autres frères et sœurs, mais j'ai fait le poisson avec elle, et franchement, c'était vraiment une découverte, j'ai vraiment apprécié. C'était vraiment bien de apprendre comment faire le poisson et tout, et en plus, c'était d'une bonne ambiance avec elle, donc j'ai beaucoup aimé, et ouais. Celle-là. Okay. Et donc, vous aviez fait une recette en particulier avec le poisson, c'était quoi? C'était un poisson boucané.